Charles d'Orléans, fermez-lui l'huile au visage. Fermez-lui l'huile au visage, mon cœur à mélancolie. Gardez qu'elle n'entremit pour gâter notre ménage. Comme le chien plein de rage, chassez-la, je vous en prie. Fermez-lui l'huile au visage, mon cœur à mélancolie. C'est trop plus notre avantage d'être sans sa compagnie, car toujours nous tend ses cris et nous porte grand dommage. Fermez-lui l'huile au visage. Sweet.